J'aime pas l'histoire, présenté par Nicolas. À tous ceux qui ont été traumatisés par les cours d'histoire dans leur jeunesse, mais qui aiment le ballon rond, les étoiles, l'équipe de France, et qui rêvent des courses de Mbappé, des poumons de Kanté ou du pied gauche de Griezmann, cette chronique est faite pour vous. Souvenez-vous, le 15 juillet 2018, la France remporte pour la deuxième fois de son histoire la Coupe du Monde. Quel match, quelle finale, quel parcours! Plusieurs générations devant leur télévision, leur smartphone, leur radio ont suivi cet événement. Certains avaient déjà fêté la victoire de 1998, et d'autres plus jeunes, comme Paul, 7 ans, ont eu la chance de vivre leur première Coupe du Monde, et surtout de fêter pour la première fois de leur jeune existence la victoire des Matuidi, Mbappé, Griezmann ou Loris. Quelle histoire! Et vous ne croyez pas si bien dire. La Coupe du Monde a aussi son histoire. La première Coupe du Monde s'est déroulée en 1930, en Uruguay. C'est le français Jules Rimet, né à Telet, en Haute-Saône, président de la FIFA, c'est-à-dire la Fédération Internationale de Football Association, qui a été créée en 1904. C'est donc Jules Rimet qui est à l'origine de la création de cette nouvelle compétition. Les premiers matchs de la Coupe du Monde ont donc lieu en 1930. Mais cette compétition ne ressemble pas à celle que l'on a connue. Seulement 13 équipes y participent et seulement 4 équipes européennes. La France, la Belgique, la Roumanie et la Yougoslavie. Un point commun quand même entre cette première édition et celle de 2018, le score de la finale, 4-2. C'est l'Uruguay, la Céleste, qui remporte cette première édition contre l'Argentine. Deux autres Coupes du Monde auront lieu dans les années 30. Celle de 1934, remportée par l'Italie, pays organisateur, et celle de 1938, organisée en France, à nouveau remportée par l'Italie, contre la Hongrie et, encore, par 4-2. Une autre finale se finira sur ce score. Un peu plus tard, il s'agit de la finale de 1966, qui oppose l'Angleterre à l'Allemagne. 4-2 pour les Anglais. La Seconde Guerre mondiale interrompt le rythme des Coupes du Monde tous les 4 ans. Il faut attendre 1954 pour qu'une nouvelle Coupe du Monde soit organisée en Suisse, remportée par l'Allemagne de l'Ouest face à la grande équipe de Hongrie, emmenée notamment par celui qu'on a surnommé le Major galopant, Ferenc Puskás. Les compétitions se succèdent ensuite à un rythme régulier de 4 ans, mais avec des évolutions régulières. Plus d'équipes participantes, nouvelle organisation des matchs et nouveaux trophées. La Coupe Jules Rimet, qui était donné au vainqueur jusqu'alors, est remplacé en 1970 par le nouveau trophée, l'actuel, celui qui a été soulevé par Hugo Lloris le 15 juillet. Autre évolution, c'est lors de la Coupe du Monde 1970 que le premier carton jaune a été donné. La dernière en date remonte à la Coupe du Monde 1918, c'est l'utilisation de l'arbitrage vidéo, notamment utilisé lors de la finale entre la France et la Croatie. Les différentes Coupes du Monde sont représentatives de leur époque et se sont singularisées par des événements sportifs qui sont restés dans les mémoires. L'agression de Schumacher contre Battiston, la main de Maradona, les buts de Zidane en 98, son coup de boule en 2006. Chaque compétition a sa propre histoire et est révélatrice de l'évolution du monde. Et nous renseigne aussi sur la situation du pays organisateur. Par exemple, la Coupe du Monde de 1978 fut organisée en Argentine à l'époque de la dictature du général Videla. Et ces changements ne sont pas finis. La prochaine Coupe du Monde, eh bien elle aura lieu au Qatar et elle se jouera pour la première fois de l'histoire du 21 novembre au 18 décembre 2022. D'ici là, bon courage à la France. J'aime pas l'histoire, présenté par Nicolas.